Venus, rocket number 9 to go. For the planet, to the planet. Venus, rocket number 9 to go. For the planet, to the planet. Venus. Fermer les portes dans cette maison. J'ai quoi là sur ma cravate? Quel est le nom de la plus haute? Ça, c'est une horrible tache. Merci. Et pas sur le bec. Je compte bien aller à l'émission Réponse à tout. Ah oui? J'espère que t'auras pas de questions sur la cuisine. Ne marche pas dans l'œuf. Bon, où avais-je la tête? Un œuf par terre, c'est pourtant sa place. Roger. Oui, ma chérie. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de Michael Hunsaker? Mais parce que je t'avais jamais parlé de lui.

crash on the living bomb, water's gonna overflow. Swamp's gonna rise, no boat's gonna roll. Now you can train on down to Williams Point. You can bust your feet, you can rock this joint, but mama ain't gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't try and move me, you're just gonna lose. There's a crash on the levee, your mama you will refuse. Well, it's sugar for sugar, salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your own fault. Oh mama, ain't you gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow.

Eleonora, alors, se révolte. D'un coup d'épilepsie synchrone. Trou du cul! Il paraît que tu tires sur les gosses? Oh, ta gueule! C'est bon, on peut y aller, bougez-vous! Entra la voiture neuve, confirmez. Dégagez-moi le périmètre! Vous trois, par l'escalier de service! Vous êtes complètement fêlé, mon vieux, mais efficace. We'll be right back. remnants of what used to be. Yeah! On a ramassé une pute, hein. J'ai un nom, je m'appelle Dixie et je vous prie de dire à ces abrutis de me lâcher ouais, la grappe. Ouais. Abruti, lâchez-lui la grappe. Quelqu'un s'est défenestré hier soir. Dixie essayait le trottoir, du coup, elle a tout vu. Vous avez pris sa déposition, c'est terminé. Oh, merci. Je suis morte, vous savez ce que ouais, c'est. Bien sûr. La pipe, ça essouffle. Vous êtes tordants. Ce qu'ils sont putains, ces flics.